Le truc pratique, c'est que tu peux stopper la musique si tu supportes plus de m'entendre. Ça me met la pression, donc je m'applique. La double contrainte du rythme et de mes sentiments va compliquer mon travail. J'en ai sûrement pour un bout de temps, mais je m'en tape. À partir de maintenant, mon temps t'appartient. Quoi que je fasse, quoi que je pense, compare mon avis au tien et je constate que finalement on est rarement d'accord et que c'est peut-être ce qui a su faire basculer mon cœur de l'autre côté. Alors j'ai cessé de réfléchir, ma raison et ma logique commencent à sérieusement fléchir sous le poids de ton charme. Ça me fait frémir, entre le rire et les larmes je suis partagé. Pour toi je voudrais être une arme si tu veux bien être protégé. J'attends avec tant d'impatience de savoir ce que tu penses. J'aimerais te dire d'avoir confiance, mais je ne sais pas en quoi. En mon amour, en la vie, en des lendemains fleuris, je l'espère, mais je sais que des prières ne suffiront pas. Quand tu t'enfuis, mon cœur s'arrête. Je dois vite chercher dans ma tête des instants passés ensemble. Sans quoi je frissonne, je tremble. C'est le manque de toi.